Saviez-vous que seulement 54% d'une vache ou 52% d'un mouton se retrouvent dans notre assiette? Alors, que fait-on du reste? On pense souvent que les produits principaux de l'élevage sont le lait, la viande et les œufs. Mais il existe aussi toute une série de ressources qu'on appelle les coproduits. Ces coproduits sont loin d'être inutiles. Ils peuvent être valorisés et jouer un rôle essentiel dans nos sociétés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de AgroJ'écoute sur Campus FM. Je suis Lisa Nogues et je suis accompagnée de Justine Garcia. Bonjour. Et de Pauline Prévost. Bonjour. Nous sommes toutes les trois étudiantes à l'école d'ingénieurs de Purpan, ici à Toulouse. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons choisi de nous plonger dans un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Les coproduits issus de l'élevage. On voulait mettre en lumière une facette méconnue de l'élevage. Et parmi tous les coproduits qu'on peut retrouver, il y en a un qui revient sur le devant de la scène et qu'on redécouvre, c'est la laine. Nous nous en servirons comme exemple dans cet épisode. Et pour aller plus loin, nous aurons le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de l'émission Mathilde Bonon, chercheuse en géographie, spécialisée dans l'étude des filières laine de France. Elle nous parlera des dynamiques actuelles et des initiatives locales autour de la laine. Depuis toujours, l'animal a occupé une place multiple dans les sociétés humaines. Dans les systèmes vivriers, on utilisait ses peaux, ses os, sa laine, ses plumes, mais aussi ses déjections. Chaque matière trouvait un usage dans la vie quotidienne. Oui, parce qu'avant, on cherchait à mobiliser tout ce que l'animal pouvait apporter. Les productions alimentaires et non alimentaires formaient un ensemble cohérent. On ne faisait pas de différence entre un produit principal ou un produit secondaire. Et cette logique s'est prolongée très longtemps. Au Moyen-Âge, la laine occupait une place essentielle. Elle habille les populations et certaines villes comme Bruges, Gand ou Florence prospèrent et s'enrichissent grâce au commerce du textile animal. D'ailleurs, le cuir aussi avait son importance. Il pouvait représenter jusqu'à 8% de la valeur d'un bovin. Même le fumier était valorisé. Il servait à nourrir les sols et faisait partie intégrante du cycle agricole. On voit bien qu'on était dans une manière de produire où chaque matière issue de l'animal avait une utilité immédiate. Et finalement, ce n'est qu'en sortant de ces logiques intégrées que le terme de déchet va apparaître. Avec l'industrialisation, on change complètement d'échelle. En premier, il y a eu une intensification de l'élevage. On a commencé à abattre beaucoup plus d'animaux qu'autrefois, donc forcément, beaucoup plus de matière à gérer. Ensuite, il y a eu une spécialisation des filières. Elles se sont focalisées autour de produits principaux, le lait, la viande ou les œufs. Et cette centralisation crée une nouvelle hiérarchie entre les productions. Et c'est exactement là que les sociétés ont dû mettre en place des réglementations strictes pour encadrer, contrôler et traiter toutes ces matières secondaires. Oui, parce que dès qu'une production est désignée comme la principale, toutes les autres matières sont requalifiées. On parle alors de matières secondaires, un terme qui reflète ce changement de regard sur les ressources et sur les matières. Ces matières secondaires sont fréquemment qualifiées de déchets, notamment par les éleveurs. Le déchet n'est donc pas seulement une réalité matérielle, mais aussi le résultat d'une construction sociale liée à la place qu'on accorde, ou qu'on n'accorde plus à ces matières. On est passé de systèmes vivriers, où tout était considéré comme une ressource, à des systèmes plus intensifs et spécialisés, dans lesquels certaines productions sont marginalisées au détriment d'autres. Certaines de ces ressources, faute de débouchés ou de savoir-faire disponibles localement, finissent considérées comme des matières à évacuer. La délocalisation des ateliers de transformation vers des zones géographiques où le coût de la main-d'œuvre est inférieur, mais aussi la concurrence des matières synthétiques ont dû accentuer ce phénomène. Certaines matières et ressources naturelles ont perdu leur valeur marchande simplement parce que l'économie mondiale a changé plus vite que les filières locales qui n'ont pas pu s'adapter. La laine illustre très bien cette évolution. Sa place commence à s'affaiblir dès le 19e siècle, avec l'essor du coton industrialisé. Et le phénomène s'accentue au 20e siècle avec l'arrivée des fibres synthétiques, moins chères et produite massivement. En conséquence, on a perdu beaucoup de savoir-faire. Les tanneries, les filatures, les petits ateliers de transformation ont totalement disparu. Et avec eux, la capacité à transformer localement ces ressources. Côté environnement, ce n'est pas mieux. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, avant, le fumier faisait partie intégrante du cycle agricole. Mais aujourd'hui, il est remplacé par des fertilisants de synthèse. Ce surplus de fumier est devenu une source de pollution pour les eaux et les rivières, à cause des excès d'azote et de phosphore. Si on observe aujourd'hui où on en est, on voit que des dynamiques s'organisent autour des filières d'élevage pour mettre en place des solutions pour revaloriser ces matières et leur donner le statut de coproduit. On a par exemple des projets européens qui voient le jour à différentes échelles. Oui, et dans plusieurs secteurs, on cherche par exemple à créer des boucles locales, à valoriser les coproduits sur place. On cherche également à réduire les déchets et reconnecter la production, la transformation et la consommation. Si on prend l'exemple de la laine, depuis quelques années, on observe une prise de conscience sur les volumes de laine qui ne sont plus valorisés. La crise du Covid a été un vrai électrochoc. Avec les frontières fermées, les exportations vers l'Asie se sont arrêtées du jour au lendemain. Les stocks de laine brute se sont accumulés dans les hangars et une grande partie a fini brûlée ou exportée à de très faibles prix. Cela a permis une prise de conscience et donc un regain d'intérêt pour la laine auprès de certains acteurs, notamment l'État. Et c'est ainsi que des dynamiques se sont remises en marche dans certaines régions à l'initiative de collectifs d'éleveurs, de filatures artisanales, des ateliers de feutre et même des micro-filières départementales. De manière marginale, à l'échelle rurale, il y a toujours eu des collectifs qui ont essayé de faire perdurer les traditions. Et depuis la crise du Covid, ces petites initiatives se sont multipliées. Malgré tout, les coproduits représentent une opportunité d'innovation et de résilience, parce qu'ils obligent à repenser la manière dont on conçoit les ressources, non plus comme des restes, mais comme des matières premières à part entière. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de réinventer leur valorisation à une autre échelle, en combinant la finesse des savoir-faire artisanaux avec l'efficacité de la production moderne. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'un coproduit ? Parce qu'on entend souvent, de plus en plus, ce mot, mais on ne sait pas toujours ce qu'il recouvre vraiment. Très bonne question. Le mot est apparu assez récemment, justement pour valoriser ces matières secondaires issues d'un même processus de production. Oui, parce qu'un coproduit, c'est quelque chose qu'on obtient de manière inévitable quand on fabrique un autre produit principal. Par exemple, les plumes, c'est un coproduit quand on élève un canard pour sa viande, tout comme la laine avec le mouton. En effet, on parle de coproduits quand ces matières trouvent un usage, sinon elles deviennent un déchet. Autrement dit, leur statut dépend du regard qu'on porte sur elles et des possibilités de valorisation qu'on leur attribue. Exactement. Et cette distinction entre déchets et coproduits, elle ne vient pas de nulle part. Elle est apparue dans l'industrie moderne à partir du moment où la gestion de ces matières est devenue un véritable problème. Cette distinction est clairement sociale. Ce n'est pas la matière qui change, mais la manière dont on décide de l'intégrer ou non dans un cycle d'usage. En bref, la valorisation de ces matières, c'est-à-dire l'intégration des coproduits dans nos modes de consommation, permet de repenser la production et de réconcilier économie et écologie. Et justement, les coproduits sont au cœur de grands enjeux actuels. D'abord, il y a un enjeu économique. Ils peuvent offrir un revenu complémentaire aux producteurs, surtout dans un contexte agricole parfois tendu, où certains des agriculteurs ont du mal à se rémunérer. Mais ils permettent aussi de réduire les coûts liés à l'évacuation ou à la destruction de ces produits non valorisés. Il y a aussi un enjeu social et culturel. Revaloriser les coproduits, c'est redécouvrir et préserver des savoir-faire qui disparaissent ou qui ont déjà disparu. C'est redynamiser des territoires en faisant revivre des activités locales. Et c'est surtout redonner du sens à nos modes de production, en reconnectant l'élevage à la société. Cela s'inscrit d'ailleurs dans une dynamique portée par les consommateurs, qui cherchent de plus en plus à privilégier les produits locaux et de qualité. Ensuite, il y a un enjeu environnemental très fort. Valoriser les coproduits, c'est éviter qu'ils deviennent des déchets, encombrants ou polluants. Ça va permettre de réduire la dépendance à des énergies fossiles non renouvelables, par exemple en utilisant les graisses animales en biodiesel. Mais ça va aussi permettre de réduire l'utilisation de nouvelles ressources et de favoriser l'économie circulaire. Mais au fond, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ? C'est un modèle qui cherche d'abord à sortir du schéma classique « produire, consommer, jeter ». À la place, on essaie de partager, réutiliser, réparer, rénover et transformer les produits et les matériaux le plus longtemps possible. L'objectif, c'est vraiment de boucler le cycle. Chaque matière doit circuler le plus longtemps possible, en changeant parfois de forme ou d'usage, plutôt que d'être éliminée dès sa première utilisation. Finalement, l'économie circulaire, ça regroupe les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Maintenant que les coproduits n'ont plus de secret pour vous, on va faire un zoom sur la laine. Aujourd'hui, elle ne représente que 0,9% du marché mondial des fibres textiles. Et en France, une grande partie de la laine est jetée ou détruite chaque année, même si cela est illégal. C'est quand même fou quand on y pense, de ne pas valoriser une fibre naturelle aux multiples propriétés. Elle a notamment un excellent pouvoir isolant et elle peut absorber jusqu'à 35% de son poids en humidité, sans être mouillée. De plus, la laine n'est pas inflammable, elle est renouvelable, biodégradable et elle ne génère pas de microplastiques. C'est donc une ressource à ne pas négliger. Oui, et aujourd'hui, la laine s'inscrit pleinement, dans une logique d'économie circulaire. Rien ne se perd, tout se transforme. La laine peut servir pour les vêtements, mais aussi pour l'isolation thermique ou acoustique. Elle peut aussi être utilisée pour enrichir les sols comme amendement, grâce à sa richesse en nutriments. La laine peut aussi permettre de fabriquer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, comme des tapis de yoga ou des casques de vélo. Et tout ça, sans pétrole, sans dérivés chimiques et avec une matière renouvelable chaque année. La laine s'inscrit aussi dans un enjeu social fort. Relancer la laine, c'est revitaliser les zones rurales en créant des emplois. C'est aussi retisser du lien, dans tous les sens du terme, entre les éleveurs, les artisans, les designers, les consommateurs. Et côté économique, la laine permet aussi de redonner de la valeur aux éleveurs. Pendant longtemps, la laine était presque vue comme un déchet dont il fallait juste se débarrasser. Et c'est logique, les éleveurs payent la tonte plus cher que ce que la laine leur apporte. Et encore aujourd'hui, la tonte est une charge. La valorisation permettrait de renverser cette logique et de devenir une ressource pour les producteurs. Malgré tout, les marchés ne sont pas suffisamment structurés et stables pour rémunérer correctement tous les maillons de la filière. Cependant, la laine soulève tout de même certains questionnements d'un point de vue environnemental. Plusieurs étapes de sa transformation nécessitent des ressources importantes, que ce soit pour le transport, pour l'utilisation d'eau, de produits de lavage ou encore de traitement. Bref, c'est une matière précieuse, mais dont l'impact mérite d'être regardé de près. Finalement, la laine, c'est bien plus qu'une fibre naturelle. C'est un symbole, celui d'un élevage capable de produire autre chose qu'une viande ou un lait. Un élevage plus respectueux, plus circulaire, ancré dans ses territoires et surtout plus résilient face aux crises. Mais la laine porte autant d'espoir que de défis. Elle montre qu'en changeant notre regard sur les matières, on peut transformer des contraintes en ressources, mais cela demande du temps, des investissements et une vraie coordination entre les acteurs. Dès à présent, avant de passer à notre échange avec Mathilde, prenons un instant pour écouter le témoignage de Monsieur Lignon, de la filature Colbert dans l'Aveyron, qui nous raconte l'émergence de son atelier et de ses convictions. Son témoignage nous donne un aperçu concret des freins auxquels il fait face pour la valorisation de la laine. Alors la filature Colbert est née du constat que les laines de brebis sont devenues depuis de trop nombreuses années une charge et un déchet pour les éleveurs. Le constat, c'est ça, c'est que la laine, elle remplit les bergeries, on la met partout, et ça partait en Asie quand on avait de la chance, sinon il fallait la brûler, la jeter. C'est un projet qui correspondait un peu à mes valeurs de circuit court, d'économie circulaire, etc. Et j'ai décidé de le porter, quoi. Vous prenez un déchet, vous en faites un produit vertueux. L'économie circulaire et le circuit court, c'est très important pour nous. Et on se rend compte que dans un monde, enfin, plutôt dans un pays où on parle tous les jours de passoire thermique, eh bien, nous, on propose des solutions naturelles et durables et territoriales pour qu'elles fasseraient les combles des maisons, par exemple, avec notre laine, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les gens achètent de la laine de verre sans trop savoir ce qu'ils mettent dans leur maison. Donc ça m'intéresse aussi, c'est le côté un peu écologique du truc, quoi. Alors des difficultés, il y en a au quotidien, puisqu'on utilise des machines qui sont pas jeunes, on est confronté aux tarifs. Tout le monde nous dit que c'est génial, et quand on annonce les tarifs, parfois on est un peu... Les gens font pas de recul. Oui, absolument. Et puis, il y a de plus en plus de petits projets, d'initiatives autour de la laine qui se montent en France, et c'est assez rassurant pour l'avenir, puisque quand on a commencé, on se sentait un petit peu seul. On vient d'écouter le témoignage de Monsieur Lignon de la filature Colbert dans l'Aveyron. Nous sommes sur Agro J'écoute sur Campus FM. C'était vraiment très intéressant de voir la laine reprendre vie dans une filature artisanale. Maintenant, nous allons approfondir la réflexion avec Mathilde Bonon, chercheuse en géographie, spécialisée dans les filières de laine française. Mathilde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour commencer, vous qui étudiez les filières lainières en France, pouvez-vous nous dire quels sont les territoires où la relocalisation de la laine est la plus avancée ? Alors moi, pour recentrer un peu ma recherche, je travaille sur les filières locales de la laine, dans une perspective de développement local. Ce que j'ai pu observer, c'est des dynamiques intéressantes dans le Massif central notamment, avec des bassins de production qui ont toujours été liés à l'élevage, à des pratiques pastorales, avec des races de moutons rustiques qui sont adaptées à leur environnement. Et en fait, c'est finalement dans ces espaces ruraux plutôt à faible densité, en déclin, qu'on a vu renaître un certain nombre d'initiatives il y a assez longtemps. Donc dans les années 80, dans les années 90, je pense à des projets comme Art de laine en Ardèche ou Terre de laine dans le Puy-de-Dôme. Et c'est des projets qui sont avant tout nés d'une envie de développer les territoires, avec la volonté de revaloriser la laine qui était dévaluée, mais aussi des patrimoines industriels locaux comme des vieux moulins. Ou alors de lancer des projets alternatifs en lien avec des ateliers d'insertion comme les ateliers de la Bruyère en Haute-Loire ou s'inscrire dans l'ESS, donc avec des entreprises sous forme de SCOP. Donc on voit que finalement, à la base, les enjeux de valorisation de la laine, ils étaient aussi sur des enjeux territoriaux et des enjeux d'innovation sociale. Et justement, au sein de ces territoires, comment est-ce que les acteurs locaux par exemple, que ce soit les éleveurs, les artisans, les collectivités, comment est-ce qu'ils collaborent entre eux pour structurer ces filières ? Est-ce qu'il y a des exemples de synergies réussies qui se répètent ou que ça varie selon les territoires ? Alors c'est assez intéressant parce que finalement, donc comme je vous l'ai dit, il y a des dynamiques qui sont anciennes sur cette filière-là. Et puis depuis le Covid, comme vous l'avez noté, on a vu l'apparition de nouveaux acteurs, donc ça soit à l'échelle nationale ou aussi à l'échelle locale, où tout le monde a fait le constat, a eu cette prise de conscience que la laine s'accumulait dans les élevages et qu'il fallait en faire quelque chose. Moi, je trouve ça intéressant cette nécessité qui est apparue, comme si la laine était investie d'une valeur symbolique importante. Et ça a été un réel levier d'action à toutes les échelles de la filière en réalité. Donc, on a vu différents collectifs d'éleveurs qui se sont structurés pour la valoriser. Donc je pense à des exemples comme l'Anna Sarda dans le Tarn-et-Garonne. On a vu aussi des coopératives dont c'était la mission historique il y a des dizaines d'années, comme la Caozo dans le Pays Basque, qui s'est réinvestie de cette mission-là pour offrir des opportunités de mutualisation pour les éleveurs sur cette question. Donc ça, c'est dans le secteur agricole. Après, il y a différentes modalités d'organisation. On a vu aussi des associations d'artisans qui, eux, avaient un savoir-faire qui était en lien avec la valorisation de la matière, qui voyaient un intérêt de ces laines qui sont spécifiques, qui sont diverses sur le territoire français et qui se sont associés pour organiser des chantiers de tri au moment de la tonte et collecter cette matière-là autour de petits volumes. Et ensuite, depuis quelques années, on assiste à des initiatives d'ampleur au niveau de la région. Donc une région est plutôt leader sur cette question, c'est la Nouvelle-Aquitaine, qui a organisé la structuration d'un cluster de la laine en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Résolaine, à partir d'une association historique de la valorisation des laines dans le Massif central, qui s'appelle l'ENAMAC en Creuse, et la CCI de Bayonne, qui travaillait sur les innovations pour rechercher de nouvelles débouchés pour les laines basques. Donc on a un réseau qui structure à l'échelle régionale. Et ensuite, en 2024, il me semble, une initiative de feuille de route nationale portée par un collectif, le collectif Tricolore, qui réunit à la fois des industriels du secteur qui cherchent à relocaliser leur approvisionnement et des coopératives, des syndicats agricoles également. Donc on voit comment tous les maillons de la filière ont commencé à se structurer. D'accord, justement, là, vous nous parlez de projets à différentes échelles, donc territoriales, régionales et même nationales. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait donc avoir une coordination nationale, ou alors la force justement de ces filières-là, elle réside dans le fait qu'il y a un ancrage territorial et donc que ça peut permettre de revaloriser ces territoires-là? Ben ça, c'est une très bonne question, surtout sur la filière laine en France. En fait, on devrait parler de plusieurs filières laine, des filières laine de France, parce que la spécificité du gisement français en laine, c'est qu'il est très diversifié. Donc, et c'est aussi le reflet de l'élevage ovin en France, qui, où on a une diversité de production, on a une diversité de conditions d'élevage différentes, qui amènent à une diversité de la ressource en laine avec différents types de laine. Et c'est aussi la force de ce gisement, parce que ces différents types de laine permettent différents types de valorisation également. Et ça a été une grande discussion au sein de la filière. Ça a été l'objet de beaucoup de débats, de est-ce que il faut structurer une filière unique en France sur un modèle plutôt vertical, ou est-ce que il faudrait plutôt fédérer des réseaux locaux qui ont une expertise sur leur territoire et les agréger pour obtenir une dynamique nationale. C'est pas à moi de trancher sur cette question, puisque moi, en tant que chercheuse, je suis observatrice des dynamiques en place. Moi, tout ce que je peux, et moi, pour le coup, je m'intéresse plus aux dynamiques locales. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette filière-là, finalement, elle devient aussi un laboratoire d'expérimentation, et comment il y a une inventivité folle au niveau de cette filière localement. Et comment, en fait, chaque territoire, chaque collectif d'acteurs s'empare de leurs propres contraintes, de leurs ressources, pour inventer des modèles différents. Et c'est, pour moi, c'est en tant qu'objet d'étude de chercheuse, pour moi, c'est là que se pense, c'est dans ces marges-là que se pense l'initiative qui tend ensuite à généraliser dans le modèle dominant. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut une coexistence de ces différents modèles et de ces différentes échelles d'action pour qu'on avance dans la bonne direction, finalement. Et est-ce que, justement, il y a des impacts environnementaux qui sont entre guillemets cachés de par la valorisation de la laine, que ce soit durant l'élevage, pendant le transport ou le nettoyage de cette laine? Moi, je dirais que l'impact environnemental de la laine, il est plutôt... je dirais qu'il est plutôt bénéfique. En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est d'étudier le cycle de la vie de la laine, pas uniquement centré sur la matière et sa transformation, mais vraiment sur les conditions de production. Là, on voit qu'une des grandes forces de la filière française aujourd'hui, c'est d'avoir une production de laine qui n'est pas spécialisée. Donc ça veut dire, comme vous l'avez rappelé, que les moutons sont élevés principalement pour la viande et le lait, et produisent en coproduit de la laine, ce qui n'est pas le cas des laines qui sont majoritairement disponibles sur le marché mondial, qui sont plutôt issues d'élevages spécialisés dans l'hémisphère sud, autour d'une seule race de moutons qui est la brebis mérinos. Et donc du coup, ça engendre des impacts. Quand on a une production nous donne plusieurs produits, mais forcément, son impact environnemental est réparti sur plusieurs produits. Donc là, il y a déjà un intérêt à diversifier l'élevage qu'on a en France pour valoriser les laines issues de cet élevage-là. Et ensuite, on voit que ce qui est intéressant, c'est que la qualité de la laine est très impactée par les conditions d'élevage. Et les conditions d'élevage extensives, donc avec des brebis qui pâturent en extérieur, qui sont souvent dehors, favorisent finalement la qualité de la laine. Donc ça incite aussi à des pratiques qui sont plus proches des principes de l'agroécologie. Et donc c'est aussi en ça que valoriser la laine peut avoir un impact vertueux aussi sur le changement de pratique globale de l'élevage. Mais il y a aussi un lien très fort entre la santé de l'animal et la qualité de la laine. Donc c'est aussi un indicateur pour l'éleveur de la bonne santé de son animal. Donc c'est vraiment ça touche aussi à des impacts de bien-être animal et compagnie. Donc il y a plein de liens à faire là-dessus. Et après, sur la question de la transformation, on est sur un matériau, comme vous l'avez dit, qui est naturel, biodégradable, qui incite aussi à des transformations qui sont, avec un prix qui est un peu élevé pour le consommateur, mais c'est aussi un vêtement qu'on va garder plus longtemps, qu'on va pouvoir entretenir, qu'on va pouvoir réparer. Et c'est ça aussi, ça invite aussi à une autre manière de consommer. Et effectivement, pour parler de consommation, Pour refaire écho au témoignage de Monsieur Lignon qui mentionnait une certaine part de réticence de la part des consommateurs, est-ce que vous pensez que ça serait possible d'éduquer les consommateurs à la valeur de la laine locale alors que les fibres synthétiques dominent le marché actuellement? Est-ce qu'il y aurait des leviers à utiliser, que ce soit le prix ou la transparence sur la fabrication des produits? Là, dans le secteur du textile et de l'habillement, c'est une vraie question, cette question de la fast fashion. Et les industriels du textile sont très conscients que leurs pratiques sont de plus en plus pointées du doigt par les consommateurs. Donc, c'est pour ça ils ont été nombreux à faire partie de la dynamique tricolore pour justement réfléchir sur leur approvisionnement et changer, faire évoluer aussi leurs pratiques. Donc, je pense que c'est déjà une prise de conscience du côté des industriels. Et après, c'est vrai que c'est aussi changer de mode de consommation. Donc, comme je le disais, d'être sur des vêtements qui sont certes plus coûteux, puisque l'intérêt aussi, c'est de rémunérer les éleveurs à leur juste prix pour la matière qu'ils produisent, mais aussi des vêtements qui sont plus durables et qui ont un cycle de vie qui est globalement vertueux. Donc ça, c'est sûr que c'est beaucoup de... il y a une vraie éducation à faire auprès du consommateur sur les types de produits qu'on peut produire, alors que le consommateur a été habitué à une laine mérinos qui est très douce, qui se porte à même la peau et qui est très fine. Et ben ça, c'est pas des caractéristiques qu'on va pouvoir retrouver sur les laines françaises. Donc il y a toute une éducation à refaire là-dessus. Après, c'est pas impossible. Il y a on a vu des campagnes de promotion autour de la laine. Donc, c'est les Anglais qui sont très forts à ça avec une marque qui s'appelle British Wool et qui participe de la promotion du marché de la laine sur le marché textile. Donc, il y a des actions qui existent déjà et c'est vrai que c'est des démarches qui sont nécessaires à approfondir. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que, juste pour conclure, vous auriez un dernier mot? Qu'est-ce qui est le message important qu'on pourrait transmettre sur la laine? S'il y a une chose à retenir, c'est que la valorisation des coproduits, et notamment de la laine, ça incite aussi à un changement de logique, à une autre manière de penser la production agricole et la valorisation de ces produits, mais aussi une autre manière de consommer. Et pour moi, c'est vraiment des emblèmes de la transition socio-environnementale. Effectivement, on voudrait retenir que les coproduits comme la laine illustrent comment réutiliser, recycler et valoriser peut réduire les déchets et créer de la valeur. Également, que l'économie circulaire permet de boucler les cycles de production, de limiter le gaspillage et de renforcer la résilience de nos filières. Pour finir, il y a un enjeu collectif, car valoriser les coproduits, c'est soutenir les territoires, créer des emplois locaux et réduire notre impact environnemental. Merci beaucoup à Mathilde pour cet échange passionnant. Nous remercions également l'École d'ingénieurs de Purpan et Campus FM pour leur soutien et leur accompagnement tout au long de ce projet. Nous remercions également la région Occitanie et la commune de Toulouse. C'était Agro J'écoute, à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. Et surtout, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.